la peur que j'ai trois moulots. Mais dans quelle société vont-ils évoluer? Elle est pleine de vices où l'argent régit le pouvoir. Persécutrice, acrobate sur le fil du rasoir. J'avance sans même savoir réellement où je vais débarquer. J'aimerais prévoir, me projeter, mon inertie est prononcée. Du tour à seul tour, parano, je vois de la haine partout. Babylone me vole tout, mais que veux-tu, je n'ai plus d'atout. Vénère, quand c'est mes strings que les petits vénèrent. Bien que j'avoue qu'aujourd'hui c'est pas facile de t'affénère. À vivre ou pas, de nos jours comment rester droit? Choisir le bon chemin sans trébucher, sans faire de faux pas. Ce sentiment de suffoquer, d'être défroqué, d'être suffoqué, mais évoqué par les médias et Babylone intoxiqué. Ils veulent formater, pas éduquer. Ce sentiment de suffoquer, d'être défroqué, d'être suffoqué, mais évoqué par les médias et Babylone intoxiqué. Ils veulent formater, pas éduquer. Mais comment t'expliquer ce goût amer, cette rage, cette haine, ces pages qui se ferment? Comment être père avec ces peines quand les joies sont si minimes, que la journée est synonyme d'enfer et qu'on ne peut rien changer en tant que simple anonyme? Je navigue sans repère, ma boussole est folle, une enveloppe sans destinataire. Imagine Venise sans ses gondoles. Loin d'être timbré, je suis qu'une bouteille jetée à la mer, qui coule et qui va tout polluer, une putain de faute de grammaire. Dans ce monde où il faut éviter d'avoir l'esprit critique ou du trac, un pouvoir au système autocratique qui joue sur la crainte. On se prend des coups de bâton, on se laisse pétage. Je suis victimisé, mon racketeur s'appelle l'État. Ce sentiment de suffoquer, d'être défroqué, d'être suffoqué, mais évoqué par les médias et Babylone intoxiqué. Ils veulent formater, pas éduquer. Ce sentiment de suffoquer, d'être défroqué, d'être suffoqué, mais évoqué par les médias et Babylone intoxiqué. Ils veulent formater, pas éduquer. Mais comment t'expliquer que je ne me laisserai pas crendo comme la tête de mort sur le drapeau? J'ai relevé mon bandeau, je suis plus aveuglé, je m'épice plus aveuglé. Je suis rentré dans ce système pour mieux le bouillard, je suis plus aveuglé. Pour G, révolutionnaire, idolatuché. Trop souvent je me crois de l'autre côté de la toile à UGC. Mais jugé si, c'est si débile que ça. L'état serait-il passé habile que ça? Orientation d'esprit jusqu'au message subliminaux. La peur nous envahit, s'atténue les sourires sublimes des minots. La peur des minots, rité mon âme amère éminée. Mon insouciance cachée par l'homme de pouvoir d'autorité. Reste ce sentiment de suffoquer, d'être défroqué, d'être suffoqué, mais évoqué par les médias et Babylone intoxiqué. Ils veulent formater, pas éduquer. Reste ce sentiment de suffoquer, d'être défroqué, d'être suffoqué, mais évoqué par les médias et Babylone intoxiqué. Ils veulent formater, pas éduquer.